Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Entrée sans payer qui se passe sur Radio Balade 101.8. Une émission entièrement consacrée à la gratuité, à la culture libre, do it yourself et aussi à d'autres sujets que nous abordons ponctuellement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient à cœur. Il s'agit du néo-ruralisme. Alors, ce qu'on peut remarquer d'abord, c'est qu'en soi, le néo-ruralisme, on ne peut pas considérer que c'est un mouvement homogène. Alors, je pense même d'ailleurs que d'aucuns diront que ça n'a rien d'un mouvement. Disons tant, il va lui manquer un fil directeur, une finalité, une cause commune qui serait partagée par l'ensemble de ses protagonistes. Mais je ne partage pas ce point de vue parce que il me semble qu'un mouvement social ne se réduit pas à sa finalité. Même, j'irais plus loin, je dirais que l'idée qu'il serait systématiquement porté, soutenu par une intention collective, elle me paraît plutôt douteuse, cette idée. En revanche, il y a bien un mouvement qui est caractérisé par des courants idéologiques qui le structurent en arrière-plan. Tout cela derrière une apparente absence, on va dire, de cohésion et d'unicité. Alors, parmi ces éléments distinctifs, il y a tout d'abord, basiquement, pour les protagonistes du mouvement néo-ruraliste, il y a tout d'abord l'accès à la maison de campagne via la propriété. Et c'est vrai que c'est un trait qui ne concerne dans les faits qu'une minorité privilégiée des acteurs du mouvement. Alors, une minorité, bon, j'ai pas les chiffres, mais tous n'ont pas accès aussi facilement que ça à une maison de campagne. Mais dans tous les cas, ça va constituer, on va dire, le Graal, le but ultime de leurs actions. On va dire un grand terrain avec une maison relativement isolée, dotée d'un confort minimal. Voilà ce qu'on pourrait appeler, d'une certaine manière, la fin partagée du mouvement. Chacun veut la sienne, et c'est un idéal de vie auxquels vont aspirer les néo-ruraux. Alors hélas, en pratique, bon, comme j'ai suggéré, donc nombre d'entre eux en fait vont échouer, on pourrait dire, dans des locations souvent un peu miteuses, à l'intérieur de villages déclinants. Ça, c'est ce qui se passe concrètement. Alors certains s'en accommodent plutôt bien, mais dans tous les cas, on va dire que le rêve va demeurer. Ça, c'est un des premiers traits caractéristiques. Le deuxième élément fort, on pourrait dire, ça tient dans l'adhésion au marché comme moyen principal de régulation des échanges entre les ruraux qui sont isolés. Voilà. Alors, ce n'est pas un hasard à ce niveau-là si, en fait, les marchés dans les zones rurales vont constituer le point de rassemblement des communautés néo-rurales qui sont éparpillées sur un territoire. Alors ça dénote ça, une soumission, très clairement, à ce qui est perçu comme un principe de réalité. Et c'est une soumission, je dirais, volontaire, c'est-à-dire que le marché, l'échange marchand, est considéré comme un moyen, un outil neutre, voire même cool, bienveillant et surtout juste. Alors, pour s'en convaincre, il suffit de penser au succès des monnaies locales en zone rurale. Donc, dans la région, nous avons le souriant. Le troisième élément que j'avais évoqué précédemment dans une émission précédente, donc c'est le festivisme. Donc la fête dans le mouvement néo-ruraliste, elle est omniprésente. Tout est prétexte à organiser des fêtes. Dès lors qu'on possède un fief, je dis un fief, hein, c'est donc la fameuse maison de campagne dans l'idéal, on va organiser des fêtes. Alors c'est un moyen finalement de valoriser sa propriété et de la mettre en avant. Donc alors là on par exemple on pourrait avoir enfin, d'ailleurs je pars d'exemples concrets hein, la fête de la laine, la fête de l'ortie, la fête paysanne, on va revenir dessus, les bals folk qui sont fréquents, les aujourd'hui celtiques, bon ça évolue. Enfin bref, tout est festif et à chaque fois c'est l'occasion de se retrouver et aussi ben en pratique de consommer des drogues récréatives, bon, plus ou moins légales, plus ou moins fortes, c'est variable. Voilà. Donc le quatrième élément caractéristique, je dirais, c'est l'adhésion à des croyances déclinistes. Alors ce trait, on va le retrouver de façon presque invariable dans les différents idéologiques qui composent le néo-ruralisme. Donc c'est vraiment un élément fort. Et ça suppose donc que le monde est en déclin, monde moderne plutôt, le monde moderne est en déclin, il est devenu invivable, et c'est pourquoi la fuite devient la seule voie possible. Donc alors ça c'est important parce que ça veut dire qu'il faut bien voir qu'en atterrissant à la campagne, donc le néo-rural ne va pas chercher forcément la communion avec la nature. Il va avant tout, bien souvent, chercher à repousser les villes et leurs principales nuisances. Donc ces quatre éléments, ils constituent les fondements de la dynamique néo-ruraliste. Alors, du déclinisme naît un mouvement migratoire qui va se matérialiser dans l'accès à la propriété privée, avec par exemple le rachat de vieilles fermes par des communautés ou des familles, qui en réalité, loin d'opérer une rupture avec l'économie marchande, tente de développer de nouveaux marchés. Mais ensuite, pris dans l'inertie d'un mouvement de fuite qui va se heurter rapidement à une sorte d'impasse existentielle, la fête devient pour beaucoup, au même titre que la spiritualité, un subterfuge. Elle va s'inscrire dans la continuité donc d'une sorte de glissement hors du réel. On pourrait dire d'une certaine manière que la fête va suivre la fuite et que la fuite va se fêter. Voilà. Alors cependant, la perte de réalité du mouvement néo-rural, elle n'est pas uniforme, en raison des courants idéologiques qui la structurent et qui vont guider ses adeptes. Alors, ces courants, ce sont pas des. Ils n'arrivent pas de nulle part, ils n'ont rien d'inédit, on pourrait dire. Ils sont inscrits dans des traditions de pensée. On peut en suivre l'évolution, du moins, on va dire, à partir du moment où les effets de l'urbanisation et de l'industrialisation se sont fait sentir dans les pays européens. Ainsi, la quête de spiritualité, l'expérimentation de la vie en communauté, sont portées par des groupes anarchisants, on pourrait dire, en quelque sorte, dès le 19e siècle, et ils vont donner lieu à une littérature qui servira de support à de nouveaux élans. Alors quand je dis groupe anarchisant, évidemment, pas spécialement en ce qui concerne la quête de spiritualité. Donc, quoi qu'il y ait certainement des exceptions. De même, on pourrait dire que la recherche d'une meilleure qualité de vie et d'un réalisme authentique pousse assez tôt, finalement, une partie de l'élite à s'installer dans les campagnes. On peut songer à cet égard à la vague des bains de mer, par exemple, donc qui va créer une colonisation des littoraux européens, le tout sur la base de croyances hygiénistes qui sont aujourd'hui largement démenties. Alors il en va exactement de même en fait dans le mouvement néo-rural contemporain. Parce qu'il y a derrière le mouvement migratoire de masse des groupes de croyances qui forment des ensembles, des systèmes, donc ce qu'on peut appeler des courants idéologiques. On peut actuellement distinguer cinq principalement qui vont se partager le gâteau, entre guillemets, hein. Alors, le premier est ce que j'appellerais le courant, donc le néo-ruralisme consommatoire. Alors, dans ce courant, le choix de la ruralité est motivé par un désir de consommation, avant toute chose. Donc, ce désir, il va s'acquérir et s'élaborer, se renforcer, bon, à travers l'influence de ce qu'on pourra appeler. Et je m'inscris en cela dans les travaux de Baudrillard, par exemple, des systèmes de consommation. Donc, que ce soit dans les médias, dans les réseaux sociaux, dans les catalogues, dans la publicité, dans les films, dans les romans, va se dessiner l'image d'un mode de vie, d'une sous-culture qui est fondée sur la consommation. C'est-à-dire la consommation de biens et de services marchandisés. Alors évidemment, de telles sous-cultures, elles ne sont pas propres au néo-ruralisme, hein. Par exemple, ben, il suffit de penser aux cultures musicales modernes, ou sautons dans un autre genre, au mouvement du surf. Donc, c'est des cultures, des sous-cultures dans lesquelles on croit voir des espaces libérés et libérateurs, alors qu'en fait, ben, en pratique, ce sont devenus des marchés organisés qui dictent et qui déterminent les bons comportements, qui les hiérarchisent, les classifient, et qui aussi vont fonctionnaliser des groupes de biens et de personnes en les assujettissant à des intérêts marchands. Alors, en ce qui concerne le néo-ruralisme, on cherche tout d'abord à accéder à une maison, comme j'ai expliqué plus haut, un habitat type qui va prendre une forme originale, comme celle d'une yourte ou d'une tiny house, ou en fait de tout autre bien de consommation standard, puis à tout l'équipement qui va avec. S'ensuit, plus ou moins ultérieurement, la consommation de services spécifiques, comme ceux prodigués par une école alternative. Bien, on l'a vu, la consommation de fêtes, qui sont souvent des reproductions factices de traditions importées. Mais je dirais qu'au-delà du contenu particulier, des éléments, du système de consommation, ce qui va caractériser le mouvement néo-rural consommatoire, c'est qu'il n'y a pas de rupture avec d'autres systèmes de consommation plus urbains. On consomme de la campagne, on va dire, comme auparavant on consommait de la ville. Et des structures qui permettent la satisfaction des désirs sont translatées telles quelles en milieu rural. On achète bio, on pense transition, on fait son potager, tandis qu'auparavant on achetait discount, on pensait ce que le métier nous disait de penser. Et on faisait du sport à la salle. Mais on voit bien que là, dans tous les cas, la logique reste strictement la même. On achète, ou on rêve d'acheter, quand on n'a pas les moyens, des produits conçus et manufacturés ailleurs, qui sont parfaitement étrangers au pays, territoire dans lequel on débarque. Ainsi, prenons un exemple, plutôt que de s'intéresser aux techniques de construction locale, dans la grande majorité des cas, le néo-rural consommateur voudra à tout prix faire fabriquer par exemple une maison en paille. Donc ça veut dire que plutôt que de se pencher sur les techniques locales, il va préférer une technique d'auto-construction exogène. Voilà. Alors aussi, plutôt que de se pencher sur les techniques potagères locales, il va chercher à tout prix à formater son bout de terrain, on va dire, pour qu'ils correspondent au canon de la permaculture. Alors, en bref, hein, on pourrait dire que le néo-rural consommateur, il agit comme un colon. Donc il est pris dans un courant idéologique qui est sécrété par le système de consommation auquel il appartient, auquel il croit, hein, on pourrait dire aussi, et il part en missionnaire pour acheter des terres et potentiellement exploiter la main-d'œuvre locale, ce qui va lui permettre d'augmenter son bien-être ou créer un gîte touristique. Donc, passons maintenant au deuxième courant fort du néo-ruralisme, que j'appellerais le néo-ruralisme hygiéniste-spiritualiste. Donc, comme j'ai suggéré plus haut, ce courant s'inscrit dans une tradition de pensée ancienne, mais qui est toujours très vivace. Et à la différence du précédent, ses adeptes s'exilent vers la nature pour entrer en communion avec elle, et non pas pour entrer dans une relation consommatrice avec elle. Donc ils sont plutôt dans une forme d'approche spirituelle, hygiéniste ou religieuse de la ruralité. Donc la vie à la campagne, la vie naturelle, entre guillemets, est choisie parce que la nature est considérée comme naturellement saine. Alors c'est quand je disais que c'est un mouvement ancien, c'est-à-dire qu'on retrouve une évolution, hein, de commençant par Thoreau, ensuite aujourd'hui on va plus vers Pierre Rabhi par exemple, et en passant par des auteurs plutôt nauséabonds comme Alexis Carrel. Donc c'est travers dans ce courant-là, c'est tout un ensemble de croyances et de pratiques, qui sont bonnes ou à proscrire, qui vont se dégager et qui vont être traversés par des modes qui vont diriger l'attention, par exemple, sur telle ou telle pratique, avant souvent qu'elle tombe dans l'oubli d'ailleurs. Alors, on peut passer ainsi du pouvoir minéraux, à l'étude des champs telluriques, avant de s'engouffrer dans la communication mentaliste avec le cheval, etc. Et alors, actuellement, hein, je saurais dire si c'est quelque chose d'invariable, mais un principal concept de ce courant, c'est l'énergie. Elle apparaît aux yeux de ses adeptes presque palpable, quand elle paraît irriguer les éléments du monde qui l'entourent, qu'ils soient visibles ou invisibles. Voilà. Le mot d'ordre de ce courant, il est relativement simple. Un esprit sain dans un corps sain, qui baigne lui-même dans un environnement sain et qui assimile des choses saines. Voilà. Donc là, on est vraiment dans un idéal de pureté. Et c'est une obsession qu'on retrouve, hein, bien souvent dans les courants fascistes, notamment quand il y avait une accointance, on pourrait dire, avec les formes d'idéologie agraire. Voilà. Donc on y reviendra d'ailleurs dans une autre émission. Troisième courant idéologique notable, c'est le courant écolo-paysan. Donc, le rapport à la nature, là, on n'est plus dans la consommation, on n'est plus dans la communion, on va dire, hein, l'envie de fusion, un peu. Peut-être il y a quelque chose d'un peu psychanalytique, fusion avec la mère nature, voilà. Donc on n'est plus dans ce type de fuite là, on est plus sur une exploitation marchande. Donc. Alors, ce rapport-là, on va le retrouver systématiquement chez les adeptes de ce courant. C'est-à-dire, c'est systématiquement vrai. Il y a toujours un rapport marchandisé avec la nature. Mais par contre, ça se veut, on va dire, un rapport attentif à l'impact environnemental de l'exploitation de la nature. Donc, alors, on pourrait dire, hein, pour employer encore une fois une analogie, donc la nature est soumise, mais c'est pour son bien. Voilà, c'est comme un enfant maltraité. La nature, elle a besoin d'une protection bienveillante qui la valorise et la fait fructifier. Donc, dans tout cela, dans une veine très traditionnaliste, donc le courant écolo-paysan considère que cet équilibre ne peut se faire que dans le respect et dans la continuité d'une paysannerie ancestrale. Le modèle idéal, on va dire, étant le village des Schtroumpfs. Chacun travaille dur dans son domaine de compétences, à un niveau de technologie généralement plutôt bas, et va échanger sur un marché local les fruits de sa production avec ceux de son voisin. Alors, quatrième courant, donc celui qu'on pourrait appeler des courants des réformateurs sociaux, qui n'est pas forcément spécifique au néo-ruralisme, mais qui, pour différentes raisons, va souvent se retrouver projeté à l'intérieur du mouvement. Enfin, incrusté à l'intérieur du mouvement. Donc, tout simplement, là, on est sur un courant qui va profiter d'un accès plus aisé qu'en ville à la propriété Donc les adeptes du néo-ruralisme réformateur, on va dire, socio-réformateur, ils vont investir ces lieux pour recréer les bases d'une société meilleure. Voilà. Donc ça, on retrouve souvent des communautés mues par ce type d'idéal. Mais encore une fois, ça pourrait aussi se faire en ville. Maintenant, pour différentes raisons, la ruralité peut être choisie préférentiellement. Voilà. Parce qu'il peut y avoir aussi un peu l'idée de revenir aux origines, quoi. Enfin, dernier courant, les autonomistes survivalistes. Voilà. Donc, alors, pour eux, là, la nature, ce n'est pas une fin en soi, c'est un instrument au service de leur survie. Donc là, on est dans un rapport d'exploitation beaucoup plus dur, quoi, d'une certaine manière. Alors, cette recherche d'autonomie, elle peut se faire dans le cadre des survivalistes en prévision d'un supposé effondrement à venir. Alors, outre ces catégories, bah, il en existe d'autres, hein, qui sont sans doute plus rares, voire des fois insoupçonnées. Et bon, c'est pas trop étonnant parce que, après tout, hein, le déplacement durable d'une zone urbaine vers une zone rurale peut obéir à des motifs très variés, donc qui peuvent être notamment professionnels, et dans ce cas-là, ils seront indépendants de cette polarité, quoi, urbain-rural. Mais dans ce cas-là, en général, les éléments caractéristiques que je viens d'énumérer du mouvement néo-ruraliste, ils seront le plus souvent inexistants. C'est-à-dire, par exemple, la conviction décliniste, elle sera pas là, quoi. Ou alors, si jamais elle est là, elle n'aura pas d'effet sur l'implantation en zone rurale. Ce ne sera pas quelque chose qui aura motivé initialement le choix ou qui sera venu progressivement se construire au contact des autres néo-ruraux. Donc on pourrait dire à l'inverse hein, que les adeptes des mouvements néo-ruralistes sont beaucoup plus dans des logiques proches des logique néocolonialiste. Encore une fois, il s'agit d'une analogie, mais on peut dire qu'il y a quand même beaucoup de points communs, parce que le contrôle des ressources locales va se faire selon un schéma, un modèle qui est exogène à la zone d'implantation. Donc pourquoi? Parce que le militantisme néo-rural va amener avec lui sa culture urbaine, qui va mobiliser pour transformer son environnement, conformément à une image idéalisée de la ruralité. Enfin, un dernier point, on peut aussi considérer que le fait d'acquérir les terres, on sait les problèmes que ça pose dans certaines régions du monde dans lesquelles il y a des mouvements, comme par exemple en Israël. Donc la question peut se poser de l'expropriation des populations locales. voilà, après cette petite pause musicale, nous nous retrouvons pour parler du néo-ruralisme, du mouvement néo-ruraliste, pour être plus précis, dans l'émission Entrée sans payer sur Radio Balade 101.8. Alors on a vu tout à l'heure que le mouvement néo-ruraliste était caractérisé par des traits comme l'accès à la terre via la propriété, la croyance dans les bienfaits du marché, des fortes croyances déclinistes et enfin le festivisme. Et on a vu aussi que sur la base de ces traits caractéristiques, des courants idéologiques en arrière-plan venaient mobiliser les membres de ce mouvement. Alors pour que ce soit un peu plus clair, on va s'arrêter sur un exemple récent là. Tout récemment, donc, avait lieu à Limoux une fête là, qui avait été dénommée la fête paysanne. Elle était organisée par la maison paysanne. Bon, autant d'indices hein, qui laissent à penser, qui montrent, on va dire, l'appartenance de cette fête au courant écolo-paysan. Alors, mais la question qu'on peut se poser, hein, et c'est la question que je me suis posée quand j'y suis allé, c'est mais de quelle paysannerie est-il question dans une fête pareille? On va voir que, bon, conformément aux traits hein, qui caractérisent le mouvement néo-ruraliste hein, qu'on a énuméré, il s'agissait avant tout d'une paysannerie marchande. C'est-à-dire, il n'y a pas du tout de rejet de l'économie marchande. Au contraire, celle-ci est perçue comme quelque chose de fondamentalement juste, parce que ça permet la rémunération des producteurs, c'est quelque chose de bon, quoi. Hein. Idem pour la propriété privée, qui constitue quand même la base de ce type de paysannerie. Hein. On n'est pas sur le modèle chasseur-cueilleur. Alors, c'est vrai que, comme dans d'autres domaines aujourd'hui, il y avait une petite timide percée de modèles plus ouverts, basés sur la gratuité. Mais c'était quand même avec une telle, on va dire, difficulté de pénétration que je crois pas qu'il soit nécessaire de les mentionner vraiment comme un mouvement fort, à part peut-être simplement de montrer le contraste que ça représente. Ça permet, disons, de voir à quel point ces fêtes-là sont marchandisées par contraste, hein, parce que vraiment, la zone de gratuité était ridicule. C'est deux, trois fringues qui se battaient en duel sur une table. Voilà. Bon, d'ailleurs, dès l'entrée de la fête, pour moi, le ton était donné. Pour rentrer dans la fête, il fallait donner une participation libre mais nécessaire. Et c'est libre, mais quand même, c'est nécessaire. Donc, c'est une curieuse injonction contradictoire qui, moi, je dirais, hein, c'est pas sans rappeler celle qui prônait sur le fronton du camp d'Auschwitz, à savoir le travail rend libre. Voilà, on est sur le même type d'injonction contradictoire. Alors continuons, donc on rentre dans le camp là, et à l'intérieur de ce camp, on retrouve en tout début quelques stands, moi, ce que j'appellerais du non-market washing. Alors avec, comme je disais tout à l'heure, une petite zone de gratuité essentiellement symbolique. La désormais classique zone de jeu qu'on retrouve un peu partout aujourd'hui, parce qu'il y a un marché du jeu qui est de plus en plus élaboré, qui est de plus en plus lucratif. Hein. Et enfin, on arrive au cœur du sujet, le business paysan, avec des stands marchands à perte de vue, où l'on vend des produits transformés, dont une large partie n'a en réalité plus rien de local. Voilà. Donc, en somme, on pouvait dire qu'on était dans une sorte de foire bio. Enfin, non, alors, c'est pas bio, c'est censé être paysan. Voilà, donc, je leur laisse le soin de m'expliquer la différence, mais j'ai compris hein, par ailleurs. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que fondamentalement, il n'y a pas de différence quand, pour le visiteur lambda. Donc, c'est des stands alignés, plutôt mal. Et donc, il va ressortir de cet étalage de marchandises paysannes, enfin définies comme telles, l'impression persistante d'une ressemblance avec des marchés forains ou avec d'autres événements du même type. Alors c'est même, je dirais, bon là j'ouvre une parenthèse, mais c'est même inquiétant parce que ça montre que même l'événementiel sur ce genre de fête devient formaté, il devient lui-même un produit comme un autre, quoi, hein. C'est, la fête est normée, mais elle est surtout marchandisée, hein. Donc, ce qui fait que, ce qui fait qu'on n'arrive plus à sortir de cette espèce d'horizon marchande, tout devient prétexte à se faire du blé, quoi, hein. Voilà, ça, c'est du blé paysan. Voilà. Donc, voilà. Et même pire que ça, voilà. Donc, sur la couche prétendument paysanne, donc de biens, de marchandises, soi-disant issues d'un monde paysan imaginaire, donc, il vient se greffer une couche édulcorée, hein, ce que j'appellerais du capitalisme culturel. Donc, ça fait longtemps que je défends cette idée, hein, avec des concerts, des conférences. Alors, peut-être qu'il y avait des tables rondes, j'ai pas été vérifié, mais. En tout cas, tout ça dénote une hiérarchisation, une hiérarchie culturelle vraiment très forte, qui en fait provient des villes et qui est omniprésente. Donc moi, ce qui m'a semblé, c'est qu'en gros, on est dans cette soi-disant fête, parce que moi, je n'ai pas trouvé ça du tout festif, mais bon, en tout cas, sans doute certains l'ont trouvé. Mais en tout cas, moi, ce qui m'apparaît, hein, c'est que l'usager, voilà, insistons bien sur le terme. Usager, quoi. Donc, il va assimiler des produits culturels complètement insipides comme un mouton devant son mangeoir. Voilà, c'est ça. On distribue la musique, on distribue des informations, voilà, de la pseudo-connaissance. Voilà. Donc, après, moi, je me pose la question, c'est où est l'environnement et la paysannerie dans un tel étalage de marchandises? Elle est nulle part, quoi. Puisque la démarche environnementale, elle va se résumer en gros à la vente de produits verts, pseudo-locaux, et à la redistribution descendante de concepts et théories qui vont alimenter un marché comme un autre. Donc en fait, la reconstruction donc d'un espèce de village fantasmé, là, ça sonne aussi faux qu'une réplique d'un village dans un parc d'attractions. Ah, moi, je dirais. Et voilà, donc. Ce qu'on peut observer par ailleurs, c'est que prisonnier d'un conformisme urbain, que la scolarité et la soumission aux normes du travail marchand a renforcé parfois depuis plusieurs générations, le mouvement néo-ruraliste écolo-paysan glisse sur le réel sans jamais l'atteindre. À travers des livres, des conférences, des réunions, ça lui permet de croire qu'il a un impact, une accroche au réel, en réalité il n'en a pas. Tout ça va se, toutes ces réunions, hein, elles vont se succéder jusqu'à ce que les membres s'épuisent et qu'ils jettent alors l'éponge, dégoûtés que leur énergie soit ainsi mise au rebut, on va dire. Thank you. Bien, nous revoilà dans l'émission Entrée sans payer, où aujourd'hui nous parlons du mouvement néo-ruraliste. Nous avons pris comme exemple la fête paysanne qui se déroulait à Limoux. Et donc j'ai essayé de montrer à quel point en fait c'est une fête dédiée au commerce de l'agriculture, qu'elle soit paysanne ou non. En sachant que la définition du mot paysan là est toujours être sujette à caution, tandis que le fait qu'on soit sur une organisation mercantile là est plutôt clair. Alors pour le montrer, là je suis devant leur site internet. Qu'est-ce qu'ils vendent concrètement? Alors ils font de la location de salles, et oui, ça semble assez incroyable, mais ils vont jusqu'à louer leurs salles, les salles qu'ils mettent à disposition. Évidemment, ils vendent beaucoup de formations. Ils sont organisés sous la forme d'une SKIC. Donc il y a tout un ensemble de valeurs ensuite qu'ils vont défendre dans ce cadre-là, qui peuvent être par exemple défendre l'agritourisme. Alors, toujours pareil, on est sur des formes marchandisées. Hein, évidemment, défendre les circuits courts dans un sens toujours pareil marchand, donc pas vraiment d'intérêt est porté au circuit non marchand. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que tout ça est, on va dire, maquillé derrière un discours promotionnel autour de valeurs qui, a priori, semblent plutôt sympathiques. Donc, par exemple, favoriser une agriculture de qualité et de proximité, promouvoir le développement du territoire audois et des départements limitrophes, encourager l'autonomie technique et l'économie paysanne, etc. Après, on peut toujours se demander ce qui se passe concrètement, mais voilà. Toujours est-il que derrière, il y a quand même cette idée que l'agriculture qu'on cherche à développer, c'est une agriculture marchande. Alors, à mon avis, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le modèle qui est promu par ce type d'organisation qui appartiennent au mouvement, qui appartiennent au courant écolo paysan, sont les seules voies possibles. Donc est-ce que vraiment on ne peut pas sortir du marché dans le cadre de l'agriculture? Est-ce que la nourriture, l'alimentation, les façons de produire l'alimentation, de la distribuer, sont condamnées, on va dire, à être enfermées, à être prisonniers des circuits marchands? Eh bien, par rapport à l'expérience que j'ai eue, donc j'ai travaillé pendant longtemps pour l'association LENA, avec mon ex-compagne notamment, Sarah Plantier, et d'autres personnes, et nous avions expérimenté des façons d'appréhender le rapport à la nature, mais de façon, des façons donc très différentes. Alors, une partie des idées qu'on avait à l'époque ont été synthétisées dans une idée qu'on avait eue parmi d'autres, on en avait beaucoup à l'époque, de créer un label ferme ouverte. Donc je vais vous expliquer rapidement les principes sur lesquels on voulait développer ce label, et en sachant que en réalité une partie des principes qui sont exposés là correspondait à des façons de faire qu'on avait déjà mises en œuvre dans le cadre de la façon dont on gérait notre troupeau. L'idée principale du label, donc, c'était de développer la transparence dans l'élevage, évidemment des outils participatifs, et aussi que l'ensemble des outils soient ouverts et utilisés comme des outils conviviaux. Donc alors, au niveau de la transparence, il y avait par exemple l'idée que le label permette d'avoir des renseignements complets sur les modes de production. Sur le participatif, la possibilité de pratiquer directement le travail à la ferme de façon à avoir une meilleure compréhension des enjeux. l'utilisation de matériel agricole libre, un principe d'ouverture qui pouvait être appliqué à toutes les chaînes de production, une partie des outputs qui auraient été proposés sous forme gratuite. Donc alors le label ferme ouverte, l'idée c'était de se positionner à l'intersection de plusieurs mouvements, l'élevage alternatif, le mouvement pour la culture libre, le mouvement non marchand et la sobriété volontaire. Donc en gros c'était pleinement adapté à des formes d'élevage plus réticulaires, on va dire, et transparentes que l'élevage conventionnel et qui sont fondées sur des formes de propriété partagées. Donc l'idée, c'était de s'inscrire pleinement dans une démarche valorisant simultanément le bien-être animal et l'épanouissement de l'être humain dans son rapport avec la nature. Voilà, on n'est plus sur un rapport marchand, on n'est pas non plus sur un rapport hygiéniste ou spirituel. Donc l'idée, c'était qu'il y ait un contrôle direct par les usagers, qu'on appelle grosso modo une labellisation participative, un engagement de l'usager dans la production, que ce soit à travers des interactions, la création d'un lien social, le transfert de connaissances. Donc c'est ce qu'on avait mis en place par exemple en proposant à des personnes de venir nous aider à faire la traite ou à garder le troupeau. L'idée est aussi de promouvoir un accès libre aux productions de la ferme. Donc là, on le pratiquait effectivement en proposant du lait gratuitement. Il suffisait de venir faire la traite. Donc un tel label, bon, l'intérêt c'était aussi d'éviter le caractère limitant, aujourd'hui industriel quasiment, du label bio. C'était aussi offrir la possibilité aux usagers de s'approprier les outils de production. Voilà, donc il y a tout un ensemble de finalités comme ça. Alors vous trouverez les infos tapez création d'un label participatif ferme ouverte. Voilà. Donc, au niveau de l'ouverture, donc il y avait plusieurs niveaux d'ouverture. Du point de vue de la transparence d'abord, avec la possibilité d'accéder aux locaux, aux recettes, etc., qui auraient été libres, un renseignement complet sur les modes de production, la participation, la possibilité pour chaque personne qui a envie de pratiquer tout ou partie des activités de la ferme, l'accès aux outils est partagé. Et le principe d'ouverture peut aussi être appliqué à toute la chaîne de production. Alors, au niveau des outputs, donc de la gratuité, donc l'idée c'est de rendre une partie de la production gratuite. Ça pourrait s'appliquer à toutes les fermes aujourd'hui, donc qui pourraient proposer par exemple un certain pourcentage de leur output de façon gratuite, ou pourquoi pas certaines activités gratuites et d'autres payantes. Hein. Ça peut aussi être nuancé en fonction des contraintes, recourir au maximum aux ressources non marchandes. Donc là, bon, là, l'idée est claire, c'est-à-dire éviter la surconsommation qui vaut dans la plupart des fermes aujourd'hui, dans la plupart des exploitations agricoles, de biens manufacturés. Enfin, il y a tout un marché qui est mis en place qui attend en embuscade les exploitants agricoles, quoi. Au niveau des outils, l'idée c'était, là, en s'inspirant de la culture libre, hein, d'utiliser du matériel libre, des recettes et procédés sous licence libre, et évidemment aussi de les mettre sous licence libre, et enfin utiliser du matériel agricole libre, comme des semences libres, des technologies ouvertes, etc. Donc on voit en gros que la philosophie du label, c'était d'abolir les distinctions entre producteurs, consommateurs et usagers. Abolir les différences entre professionnels et amateurs pour un partage de connaissances complet, créer des nouvelles façons de produire, des nouvelles recettes, une nouvelle façon de se nourrir aussi, et rétablir une relation sobre à la nature par un rapport direct et sans intermédiaire. Alors, tout ça peut paraître un peu abstrait, mais en fait, en pratique, quand on avait le troupeau, hein, on a beaucoup réfléchi à des façons de par exemple de répartir le troupeau, de faire en sorte qu'on ne soit plus sur un modèle à l'animal qui est imposé, on va dire, par des impératifs marchands, quoi. Donc voilà, hein, l'idée c'est quand même de réfléchir au fait qu'aujourd'hui la question de l'accès aux ressources alimentaires et de leur distribution n'est plus envisagée que dans une perspective marchande. Et en réalité, il existe bien d'autres façons possibles de se procurer et proposer des ressources alimentaires. Alors évidemment, ça peut être la cueillette, l'autoproduction, l'économie du don, le friganisme, les frigos libres, etc. Les sites internet de cartographie des arbres fruitiers, les jardins libres, les semences libres, etc. Et donc tout ça, ça s'oppose à une forme marchandisée, une forme d'expropriation de la nature et à laquelle participe bien évidemment, et je pense que là il faut insister là-dessus, toutes les exploitations agricoles, qu'elles se disent paysannes ou non, c'est le même combat pour elles. Ce qui compte, c'est de faire de l'argent et de nous empêcher d'accéder directement aux ressources naturelles, aux ressources qui sont celles que la nature veut bien nous donner gratuitement, hein. Contrairement à ce qui est avancé par certains d'entre eux. Donc voilà, la question, moi je dis, c'est à partir de quand vendre la nourriture, ça n'est pas participer à une façon collective, évidemment, d'affamer les gens, quoi. Parce que le vivant est à tout le monde, il n'est pas seulement aux paysans. Voilà, c'est pour ça que je pense que la nourriture doit être gratuite, comme la médecine, et que le droit à l'alimentation, c'est un droit d'accès sans condition à la nature. Donc, exit, espèce de sécurité sociale, qui est une façon de, encore une fois, de protéger des professionnels qui ne veulent pas lâcher leur bout de terrain. Donc voilà, et qui, alors après, maintenant que ça se passe dans le cadre d'un commerce local ou via des multinationales, pour moi c'est à peu près la même chose, je vois pas la différence, parce que dans tous les cas, la terre n'appartient à personne et il faut la partager. Et j'invite tous les exploitants agricoles à poser devant leur ferme, par exemple, un panneau, indiquant ici notre terre est libre, notre troupeau est libre, partagez ce que vous avez, venez, servez-vous. Voilà. Pourquoi? Parce que refuser l'aliénation de l'agriculture, c'est refuser l'aliénation de l'être humain. Bien, alors c'est une triste nouvelle, mais l'émission Entrée sans payer va désormais se terminer. Et oui. Soyez pas trop malheureux, parce qu'on recommence le mois prochain, avec encore plus la pêche que ce mois-ci. Et c'est le moment de faire le tour des morceaux qu'on a écoutés. Alors tous les morceaux ont été téléchargés sur la plateforme Dogmazic, qui ne contient que des morceaux en licence de libre diffusion. Le premier, c'est pas sûr que ce soit dans l'ordre, mais a priori, donc le premier c'est Siberia, avec un morceau intitulé L'ère du papillon. Deuxième, qui se définit comme du techno-punk, vient du groupe De Profundis Parade, et le morceau s'appelle Angel Scream. Et enfin, le troisième morceau, beaucoup plus free jazz, c'est EQ, et le morceau c'est Poursuite. Voilà, à bientôt, et vous l'avez compris, la nature doit rester libre. On espère que tout le monde va œuvrer dans ce sens dans les années qui viennent, parce que ça urge. Allez, à bientôt sur Entrée sans payer sur Radio Balade 101.8.